Les poids. Affaire est mon cher. Yemen. Yo le lio bo plancherogo, yo le lio bo ganakeo, mokolo kwe na pea okomelanga. Baba ti ba ba lingi se motembongo, baba sani bolingwe zali pona mbongo te, utara kende ya tamo kanate oyo, lo baso ki onzwi na yo mosusu, yo le lio mo plancherogo, yo le lio mo ganakeo, mokolo kwe na pea oya tokutana, to solo la mama ta lisolo ya pamba. Yo le lio mo plancherogo, yo le lio mo ganakeo, mokolo kwe na pea oya tokutana, na ya mashushu ya mia mwana mokeo. Baba ti ba ya ba lingi se moto ya mbongo, baba sani bolingwe zali pona mbongo te, utara kende ya tamo kanate oyo, lo baso ki onzwi na yo mosusu, yo le lio bo plancherogo, yo le lio bo ganakeo, mokolo kwe na pea oya tokutana, to solo la mama ta lisolo ya pamba. Yo le lio mo plancherogo, yo le lio mo ganakeo, mokolo kwe na pea oya tokutana, na ya mashushu ya mia mwana mokeo. Nisanga mokeo, oh mama, kisa sangola peya, oh mama, kanisanga mokeo, oh mama, kisa sangola peya, zelanga na pakwa na poya jwe bandeko, sulme, okumbanga na linjolo epaya babotyo, oh ngana lila planche roli, oh kwebatele sa mukani mama, oh mama, kanisanga mokeo, oh mama, kisa sangola peya, oh mama, kanisanga mokeo, oh mama, kisa sangola peya, pesa, kisa sangola peya, oh kweba tele sa mukani mama, oh, yeye go mwana blaza, oh mama. Nisanga mokeo, oh mama, pita sango na pea, oh mama, kanisanga mokeo, oh mama, pita sango na pea, oh mama, kanisanga mokeo, grand pivore mde maratuna praza, zelanga na pakwa mama, yeye go mwana praza, oh mama, kanisanga mokeo, oh mama, pesa sangola pea, oh mama.